The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. What? Quoi? Again. Encore. In love. Amoureux. Girls. La fille. Choice. Le choix. Decision. La décision. More. Plus. What? Quoi? Now, a bit faster. What? Quoi? Choice. Le choix. In love. Amoureux. Again. Encore. Decision. La décision. More. Plus. In love. Amoureux. More. Plus. Choice. Le choix. Decision. La décision. Girls. La fille. What? Quoi? Decision. La décision. Now, use the words in context. Quoi? I don't know what to tell you. Je ne sais pas quoi te dire. Encore. I failed again. J'ai encore échoué. Amoureux. She's in love with a criminal. Elle est amoureuse d'un criminel. La décision. It's a hard decision to make. C'est une décision difficile à prendre. Plus. She's more beautiful than you. Elle est plus belle que toi. La décision. It's a hard decision to make. C'est une décision difficile à prendre.